onih ljudi što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Nije sve tako crno kako se čini. Uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la svako. Nadaš se bit će bolje, a ne bude tako. Udahni tri put duboko, sačekaj malo. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. A da je drugši život, valjalo ne bi. Ipak je živeti lepo, govori sebi. Promene mora biti i bolje je tako. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la